Le petit lapin asthmatique, sous ses airs de bon samaritain, est en fait une véritable fripouille. Grand joueur et surtout grand tricheur, il s'est attiré lors de ses nombreuses parties bon nombre d'ennemis peu fréquentables. Si bien qu'un jour, en sortant de son appartement, situé en plein boulevard de Metz, notre petit lapin se trouve pris en plein guet-apens. La seule solution pour lui désormais, la fuite. Mais notre petit lapin n'est plus à l'heure de l'actualité. Il chante son malheur sous l'œil sarcastique de la société. Il est essentiel de rappeler un aspect très important de cette situation quasi apocalyptique. Rappelons que notre petit lapin souffre d'asthme, c'est-à-dire, d'après la définition du petit Robert, d'une maladie pulmonaire survenant par accès, causée par des spasmes au niveau de petites bronches avec augmentation des sécrétions bronchiques. Voilà pourquoi le protagoniste de notre aventure se trouve de plus en plus incommodé par l'effort qui lui est demandé. François-Jacques Dupont, dit petit lapin asthmatique, décédé dans des conditions plus que douteuses.